Je lève mes mains, bien que je n'ai pas de force. Oh, je lève mes mains, bien que j'ai mille problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, les fardeaux s'en vont et des nouvelles forces tu me donnes. Tout cela est possible quand je lève mes mains. Je lève mes mains, bien que je n'ai pas de force. Je lève mes mains, bien que j'ai mis problème. Mais quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir, oh, le feu. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'en vont et de nouvelles forces, Dieu, tu me donnes. Tout cela est possible, tout cela est possible quand je lève mes mains. Commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir, oh, le feu. Quand je lève possible quand je lève mes mains. Quand je lève mes mains, tout cela est possible. Quand je lève mes mains, tout cela est possible.